Chapitre 39e. C'était pour la marquise de Lucilière que le colonel se rendait aux courses. Mais tant que dura le trajet, et il est long, de la place de la Bastille à l'hippodrome de Longchamp, ce fut à Thérèse qu'il pensa. Ce fut Thérèse qui lui devant les yeux. Comme elle avait délicatement compris les secrets sentiments de son père. Comme elle avait gentiment enfoui son clou dans la cloison. À cette pensée, il se prit à sourire. Décidément, il fallait qu'il fût bien sensible au charme de Thérèse pour avoir trouvé des séductions nouvelles dans une opération aussi vulgaire que celle qui consiste à cogner sur un clou à coups de marteau. Et cela précisément le confirma dans sa résolution de voir la marquise. Une promenade avec Thérèse sur les bords de la Marne eût été, dans les dispositions qu'il constatait en lui, tout à fait dangereuse. S'il avait imposé silence à ses lèvres, aurait-il pu faire taire ses yeux ? L'heure n'était pas venue de parler. Ou alors il fallait le faire franchement sans esprit de retour. Et c'était justement ce qu'il ne voulait pas en ce moment. Il trouva la marquise devant les tribunes, assise sur deux chaises, entourée de son cercle de fidèles. Elle ne lui fit pas son accueil souriant, mais du bout de la main, elle lui envoya un bonjour rapide. Cependant, il persista à l'aborder, et il fallut bien que ceux qui l'entouraient écartassent un peu leurs chaises. Alors elle lui serra la main du bout des doigts, négligemment. « On ne vous a pas vu hier, » dit-elle d'un ton de reproche. Le colonel comprit les causes de cette froideur. Il avait promis à la marquise de passer la soirée chez elle, mais son voyage au Havre l'avait naturellement empêché de tenir son engagement. De là ce dépit, chez une femme qui n'était pas habituée à attendre. « J'étais au Havre, » dit-il, « où j'avais été appelé pour une affaire urgente. Je suis rentré à Paris ce matin seulement. » Alors vous devez être fatigué, dit-elle en lui montrant par un sourire qu'elle acceptait cette excuse du voyage au Havre. Puis s'adressant à un jeune homme qui se tenait près d'elle, un genou posé sur une chaise, les reins cambrés, suçant sans mot dire la pomme de sa canne qu'il semblait vouloir avaler. « Mon cher Calixte, dit-elle, allez donc voir, je vous prie, ce qu'on fait contre Trocadéro. » Puis quand le cher Calixte fut éloigné, heureux de cette mission de confiance, elle donna la chaise qu'il occupait au colonel. Sans doute, c'était une grande faveur que d'être admis dans le cercle intime de cette femme à la mode, sur laquelle tout Paris avait les yeux, et ce nouveau venu, accueilli comme un ami de 10 ans ou comme un amant du lendemain, faisait bien des envieux. Mais le colonel, insensible à ce sentiment de vanité, eût préféré le tête-à-tête à ses honneurs publics et le gênait bien plus qu'il ne le servait. Il ne savait pas parler à demi-mot, de manière à n'être compris que de celle à laquelle il voulait s'adresser, et cette position l'exposait à garder un silence ridicule. Heureusement, elle lui vint en aide. « Combien je regrette, » dit-elle en se penchant son oreille, de manière à n'être entendue que de lui seul, « que vous ne soyez pas venu hier soir. Nous allons partir après les courses avec Mademoiselle Lazarus et Mademoiselle Carmelita pour Chalençon, où nous resterons 3 ou 4 jours. Vous auriez pu nous accompagner. » Comme il la regardait, se demandant ce que c'était que Chalençon, elle comprit cette interrogation muette. « Chalençon, dit-elle à haute voix, est une terre sur les confins de la forêt de Marly. Un superbe château, dit le duc de Mestosa. C'est à Chalençon que se trouve le haras du marquis, dit le prince Seratov. Mais le cher Calixte vint annoncer la côte de Trocadéro, et la marquise ne fut plus occupée qu'à faire des chiffres sur son livre de Paris. Son crayon d'or courait sur le papier avec une rapidité que lui enviait un bookmaker ou un agent de change. « Prenez-moi jeune première pour 200 louis, dit-elle à Calixte, et donnez Trocadéro pour 100. « Jeune première vous appartient ?» demanda le colonel, croyant que la marquise parlait pour un des chevaux de son mari. Mais à cette question, chacun répondit par un sourire moqueur. La marquise acceptait, elle partit d'un franc éclat de rire. « Mon cher colonel, je ne parie jamais pour l'écurie du marquis. Attendu que si je connais ses chevaux, je ne sais jamais ce qu'il va en faire. » Ce mot, dit légèrement, jetait sur les habitudes du marquis une lumière assez vive pour que le colonel ne poussât pas ses questions plus loin. Sans être au courant des choses du sport, il les connaissait assez cependant pour savoir qu'il est de règle stricte qu'un propriétaire ne doit faire courir ses chevaux que pour gagner. Et la réponse de Mademoiselle de Lucilière venait de lui apprendre que cette règle n'était pas celle du marquis. Il s'enferma donc dans un silence prudent, se promettant de ne rien dire, même de ce qui paraissait le plus innocent. La marquise était de nouveau plongée dans ses calculs. Quand elle les eut terminés, elle prit le bras du colonel. « Allons voir les chevaux, » dit-elle. Et sans se soucier de sa cour, elle s'éloigna, s'appuyant doucement sur le bras qu'elle avait choisi. Pendant quelques secondes, il marcha près d'elle sans parler. Une assez vive émotion le serrait à la gorge. Mais il était colonel de cavalerie et il avait 28 ans. « En avant !»« Combien je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé cette promenade, car j'ai 1000 choses à vous dire. »« Ah, vraiment ? Et il est difficile de vous entretenir. » « Cependant, je vous assure que je suis tout disposé à vous entendre. N'est-ce pas moi qui vous ai proposé d'être votre confidente ? Pourquoi n'êtes-vous pas venue hier ?»« Je ne pouvais pas retarder ce voyage au Havre, je vous assure. Nous aurions été plus libres. » Et de fait, au milieu de la foule qui encombrait l'enceinte du pesage, il était assez difficile d'avoir un entretien intime. À chaque instant, la marquise se pencha à droite et à gauche, distribuant des inclinaisons de tête en réponse au salut qu'on lui adressait, tandis que le colonel marchait près d'elle, la tête haute, les épaules effacées, le chapeau immobile. Ils avançaient lentement, et avant de pouvoir risquer une parole, il fallait regarder devant, derrière, autour d'eux, qui pouvaient les entendre. Au milieu de cette foule, la marquise paraissait pleinement à son aise, tandis que pour lui, il se sentait gêné et embarrassé. « Nous allons donc parler d'amour, » dit-elle en s'haussant vers son oreille. « Voyons. » Mais à ce moment, il passait devant la rotonde où s'assemble le ring, et les vociférations des parieurs rendaient toute conversation impossible, à moins de crier à pleine voix. Le colonel eût voulu marcher plus vite pour échapper à ces cris qui venaient l'interrompre si mal à propos. Mais les gens qui se pressaient là et barraient le passage n'étaient pas disposés à se déranger pour une femme quelle qu'elle fût. Le bouc à la main, ils couraient de l'un à l'autre, criant à la côte, sans prendre souci de ceux qu'ils bousculaient. Comme ils sortaient enfin de cette cohue, la marquise s'arrêta. « Voulez-vous me permettre un moment ? » dit-elle. Il fit signe à l'un des parieurs, qui, se détachant du groupe, vint vivement vers eux. « Combien, Trocadéro ? » dit-elle. « 3-1. »« 100 louis contre Trocadéro. » Et abandonnant le bras du colonel, elle inscrivit ce pari sur son carnet, tandis que le bookmaker en faisait autant sur le sien. « Combien, jeune première ?»« 4-1. »« 100 louis pour jeune première. » Et sans même porter la main à son chapeau, le bookmaker s'éloigna en courant pour aller se perdre dans le ring. La marquise prit le bras du colonel, mais ce n'était pas le moment de reprendre l'entretien interrompu, car penchée en avant, tenant son crayon de la main droite et son carnet de la main gauche, elle recommençait de nouveaux calculs. « Vous aimez donc bien les chevaux ? » demanda-t-il lorsqu'elle eut fermé son carnet. « Il faut que je gagne 1000 louis aujourd'hui, » dit-elle en riant. La foule était moins compacte. Ils allaient pouvoir s'entretenir sans craindre les oreilles curieuses. Devant eux, on promenait sur le gazon les chevaux qui allaient courir, et quelques sportsmen les regardaient défiler d'un air recueilli, en faisant haute voix des observations techniques. Un de ces sportsmen s'approcha de la marquise. « Avez-vous vu, jeune première ? » demanda-t-il. « Non. Elle est bien nerveuse. Couvrez-vous. » « C'est un conseil que je vous donne. » Et il retourna admirer la promenade circulaire des chevaux, dont plusieurs étaient déjà scellés. « Voulez-vous que nous retournions au ring ? » dit la marquise s'adressant au colonel. Ils retournèrent au ring où les vociférations avaient augmenté d'intensité. La marquise eût voulu pénétrer dans cette cohue, mais cela n'était pas possible pour une femme, à moins de faire d'avance le sacrifice de sa traîne. Comme il restait à une certaine distance en attendant, le colonel sentit les doigts de la marquise se crisper nerveusement sur son bras, d'une façon qui prouvait qu'elle était impatiente et inquiète. Enfin, le bookmaker parut et vint vers sa cliente, toujours courant. Alors s'engagea entre lui et la marquise une conversation rapide, à laquelle le colonel ne comprit pas grand-chose, si ce n'est que Madame de Lucilière avait fait plusieurs paris sur d'autres chevaux. « Maintenant, dit-elle après avoir régularisé les écritures de son carnet, je suis plus tranquille. « Voyons, causons. Vous disiez donc ?» Mais les jockeys étaient déjà en selle, et les chevaux passaient devant eux pour se rendre sur la piste. « Voici Trocadéro, » dit-elle, montrant un cheval, dont le jockey portait les couleurs bleues et rouges, célèbres sur le turf. « Puis voici jeune première. N'est-ce pas que la pouliche est jolie ? Du courage, ma belle !» La course allait commencer. Le colonel comprit que la marquise devait désirer la voir. Ils revinrent devant les tribunes, portés par la foule qui les enveloppait. « Trouvez-moi une chaise, » dit-elle, « nous resterons ensemble. » Il eut la bonne chance d'en apercevoir une, et il put l'apporter à la marquise, qui la plaça contre la grille en fer qui sépare la piste de l'enceinte du pesage. Pendant ce temps, les chevaux étaient partis. Vivement, la marquise monta sur sa chaise pour suivre la course, s'appuyant d'une main sur l'épaule du colonel. Pour lui, il ne voyait rien, mais aux crispations de la main de la marquise, il devinait les péripéties de la course. Tout à coup, dans le silence qui s'était établi, on entendit le galop précipité des chevaux, une clameur s'éleva au-dessus de la foule. « Trocadéro ! Trocadéro !» La marquise descendit de sa chaise et, prenant le bras du colonel, « Je perds 1000 louis !» dit-elle. « Maintenant, mon cher colonel, causons. Qu'avez-vous donc à me dire? Je vous écoute. » Mais il n'avait plus rien à dire. Le moment n'était pas heureux. Ce fut ce qu'il en quelques mots, tandis que la foule s'amassait pour faire une ovation au vainqueur. « Ah, vous croyez ?» répliqua la marquise. « Je vous assure pourtant que je n'ai jamais été mieux disposé à vous entendre. Mais comme vous voudrez. Au reste, si rien ne presse, remettons la chose à demain. » Voici ce que vous ferez. Vous prendrez le train de Saint-Germain et vous viendrez passer 2 ou 3 jours avec nous à Chalençon. Voulez-vous ? Il la regarda. À Chalençon, on est plus libre qu'ici, dit-elle en riant. Alors à demain, j'accepte avec plaisir. Vous n'aurez qu'à prendre une voiture à la gare de Saint-Germain. Tous les cochers connaissent Chalençon. À demain alors. À demain.